C'est super. Voilà, et ben c'est génial. Donc est-ce qu'on continuerait maintenant notre programme avec le récap habituel de la veille, la IEV réalisé par Antoine. Le cœur de la IEV. L'ordinateur d'Ordinodène. Le cœur de la IEV. Aujourd'hui c'est moi qui le fais. Ah, et on y va, c'est lancé. Voilà. On a une dignité, c'est parti. Beau. Ça va les gars? Oui, on était en train de dire qu'on était très bien dans ce salon d'écoute. C'est vrai, hein. Surtout quand on a un dossier et un tout ça. Mais ça, c'est pas juste. Ouais, c'était pas juste. Non, mais franchement, ça va pas. Hop, dès demain, hein. Ça va pas du tout, ça. Il y en a qui ont double. Tu vois, double. Il a pas du tout partagé, je l'ai dit. Bon, après, partager ça, c'est compliqué. Hein. Faut être avec un amoureux vraiment, ou une amoureuse. C'est vraiment pas être proche, ouais. Parce qu'autrement, c'est un peu genre... Autrement, c'est un peu genre... J'en prends un petit bout, puis t'es comme ça, du coup. Ça, c'est que là, tu... Ouais, t'es pas bien, quoi. Personne n'est bien, non. On te demande de te serrer, mais en même temps, tu dors à moitié avec des gens que tu connais pas, donc tu te serres jusqu'à un certain point. T'es un peu là, genre... Bonjour. Ah, vous êtes très proche de moi, je ne vous connais pas. J'adore, ça me fait marrer. On mais ça marche bien, oui. Après 10 jours. Non, mais on a besoin de ça, putain. On est complètement oubliés. Je sais pas, on est vraiment très, très. Comme ça, hein, par ici. Ouais. Hein. Ouais. T'as vu les. Non, vous avez pas vu, vous avez pas vu son bâtiment. Son quoi? Le soir plutôt assez tard et puis le midi il y a aussi les artistes qui souvent proposent des morceaux qu'ils aiment bien, des choses comme ça, et ça on appelle ça comment? Et quand vous dites concert à assez tard, ça me dérange pas, 9h, 10h Non, non, je veux dire, dans la même... Ah oui, enfin, assez tard. Ça veut dire quoi, 8h, 9h, 10h. Les concerts dans la grande salle, même à 19h, des fois à 18h le week-end. Enfin, et un peu plus tard, dans le salon d'écoute, c'est plutôt 21h, 22h. Très bien. 22h, 22h30. Même 22h30. Ça dépend chaque jour. Ah, mais c'est bien comme ça, on peut rentrer. On peut tout faire normalement. Hein, c'est l'idée, c'est qu'on peut normalement presque tout faire. Ok, super. Ouais. Si on a envie, on peut aller à 17h, 18h, 19h, 20h. Et manger un petit peu entre les... C'est un peu l'idée. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé de rater des choses parce qu'il y a trop de choses. Ouais, c'est bien. Voilà. Donc pour assister au concert payant, tu vas à la billetterie et tu échanges un bon concert. Pour un propre billet. Donc là, il faut choisir quelqu'un. Ouais, tu peux choisir, mais tu peux prendre tes billets à l'avance. Hein. Par exemple, après, je ne sais pas à quelle heure ils vont arriver aujourd'hui, ils arrivent à peu près une heure avant le premier concert payant à la billetterie. Et là, tu peux, même si tu as le temps de regarder un peu sur le site, tu peux choisir tes trois concerts et échanger contre des billets. Même qui sont pour d'autres jours. Ça, c'est tes billets concert. Ok. Cette année, il y a des paires de chaussettes. Donc, tu as le droit à une paire de chaussettes. Comment ça, paire de chaussettes hein? Qu'est-ce que ça du festival. Ok, très bien. Voilà. C'est drôle quand même. Bon, ben pourquoi pas. On en a toujours besoin quand même. Il y a quatre couleurs. Donc, tu peux choisir ta couleur. Très bien. Elles seront affichées à l'entrée, les couleurs des chaussettes. Et tu as trois bons boissons que tu peux échanger au bar. Excellent. Merci beaucoup. Voilà. Alors ça, je vais les ramasser et les mettre tout de suite dans mon ventre. Ouais. Et puis après, tu peux aller voir Gab qui va t'expliquer ce que vous avez super. À faire. Bah, merci beaucoup, Samuel. Avec plaisir. Et puis à tout à l'heure alors. Déambulation de dimanche, mais... Ouais, vas-y. Enfin, c'est juste que je me rends compte que j'ai quand même le volume un peu fort. Ah ouais. C'est peut-être parce que le chantier... Là, donc on a prévu une bénévole pour la déambulation, et elle me demande un peu quel sera son rôle, et puis j'ai du mal à... Tu lui dis, elle prend un instrument et elle joue, quoi. Mais tu peux me redire un peu ce que... Ils vont... Tu vois, en fait, tu peux faire une idée, parce qu'en ce moment, dans la salle de jeu, il y a les enfants d'une école qui sont en train de faire une version enfant de l'atelier. Donc ils sont en train de fabriquer une petite cornemuse avec un gant de chirurgien, je crois, au bout, ou un gant de cuisine, tu sais. Okay. Et une flûte, quoi. Enfin, en gros, une sorte de cornemuse, lofi, low-tech, ouais. Je ne sais pas comment la décrire. Puis le jour où il y aura l'atelier tout public pour ça, et ben, à la fin, ils vont se préparer un petit moment et après ils vont ressortir. Marché, et ça c'est dehors, le samedi, moi je crois que je parle pas de celui-là, je parle de l'HEM, déambulation. Ah non, c'est pas, ça s'appelle peut-être pas déambulation. T'as dit, mais t'as pas dit atelier? Je me suis fait avoir non, là. J'ai des déambulations. Je sais pas pourquoi je voyais la parade là. Là il y a aussi... Non, c'est pas vraiment une déambulation. Oui, mais en fait elle va, il faut qu'elle l'aide à faire, c'est la même chose qu'on fera, Denis et moi, ou, en tout cas moi c'est sûr, je m'étais dit que j'aurais un peu ce rôle, c'est de aider à comprendre, là on se déplace et on va ailleurs. Donc en gros, c'est juste faire des mouvements. Ok, mouvements. Aider au déplacement ans, du comme... mouvement avec toi et Denis. C'est en un fait. Peu, tu sais, quand il y a plus qu'une personne qui se lève d'un air pas très assuré pour aller au prochain point, normalement okay. Ça aide à comprendre. C'est ça, c'est influer oui, le. C'est plus ça, ouais. Ouais. C'est pas. Après, en même temps, au cas où il y a un public un peu dangereux, comme d'habitude, ça peut être aussi attention. Parce qu'on est en train de passer devant les cornemuses, donc surveiller qu'on marche pas sur les cornemuses. Ouais. Parce qu'il y aura du monde là, ouais, parce qu'il y aura d'ailleurs une partie là-haut. Ok. Et ce sera un peu dans tous les étages, ça? Il y a toute la juste. Il y a salle de jeu, si je me souviens bien, grande salle, salle de jeu et premier, si je me souviens bien. Okay. Donc on fait un peu des allers-retours. Voilà. Je sais plus, en fait. Ouais, mais peu importe, écrit en tout cas. Quelque part. C'est mais... l'ado mouvement et faire voilà. Attention aux voilà. Installations. Voilà, parce que... Ouais, ouais bah, je vais lui dire. Merci, Samuel. Merci. Ce fut... récap de la veille. Il était question d'instruction, de comportement dans l'acousmonium, de partage d'écoute et de partage d'instructions aux bénévoles et aussi à vous maintenant, auditeurices, qui savez à peu près comment vous comporter dans la maison communale, mais aussi chez vous. Moi, j'ai pas bien compris comment me comporter. Eh ben, en fait, quand tu rentres, tu enlèves tes chaussures et tu te laves les mains. Et c'est un bon départ. Voilà. Okay. Et tu arrêtes de respirer.